direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacquelin Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacquelin Doucet, 418-276-6170. Tombe! Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670 Boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuet Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. L'année de tennis, c'était une année exceptionnelle. C'était une année comme 2014 probablement avec l'ascension fulgurante de Bianca Andreescu. On en parle avec Valérie Tétrault qui remplace Caroline Delisle pour le tennis cette fois-ci. Salut Valérie! Salut, mais je vais essayer de faire ça aussi bien, Caroline. Ah, Caroline est très bonne aussi, mais c'est, écoute, t'es la top, fait que c'est vraiment intéressant. Avec, Valérie, si on parlait un peu, ça a commencé le 1er janvier. Bianca Andreescu, déjà en Australie, ça avait été son premier tournoi, ou en Nouvelle-Zélande, je pense. Elle avait battu Caroline Wozniacki, puis c'est déjà là, on savait qu'il se passait quelque chose, là. Oui, exactement. C'est vrai que ça avait commencé très tôt dans le cas de Bianca Andreescu. Ben, de son premier tournoi de la saison, c'était effectivement en Nouvelle-Zélande au tournoi de Auckland. Et bon, elle avait quand même bien terminé sa saison 2018, mais surtout en évoluant sur le circuit Challenger. Donc, il n'y avait rien qui nous laissait croire nécessairement qu'elle allait connaître l'éclosion qu'elle a connue finalement en 2019. Elle a donné le ton et je pense que, ben, mine de rien, dans ce premier tournoi qu'elle a disputé, elle s'est prouvée des choses. Elle s'est prouvée qu'elle était capable justement de battre des joueuses du calibre de Caroline Wozniacki, de Venus Williams. Et le fait d'enchaîner autant de victoires aussi, ça a créé quelque chose. Et ben, on connaît la suite. Quelle année ça a été pour Bianca Andreescu. Vraiment, ça a été son année. Et ça a commencé vraiment à Indian Wells où elle a remporté son premier Master 1000. Ouais, ben ça a été un conte de fées, je pense, à Indian Wells. Elle n'était pas qualifiée d'office pour le tableau principal. Elle a eu besoin d'un laissez-passer qu'elle a obtenu des organisateurs. Et je pense que les organisateurs s'en félicitent encore. Quel tournoi pour Bianca Andreescu. Et nous, ben, on la suivait, on évoluait avec elle et on sentait à quel point elle réalisait pas nécessairement tout ce qui se passait et c'était peut-être pour le mieux. À chaque victoire, lorsqu'elle continuait sa progression dans le tournoi, on sentait qu'elle était peut-être un peu dépassée par les événements. Mais ce qui m'impressionnait, moi, alors que je la surveillais à Indian Wells, c'est le fait que lorsqu'elle arrivait sur le terrain, même si c'était tout nouveau pour elle de disputer des aussi gros tournois, de jouer devant une foule aussi nombreuse aussi, c'est qu'elle semblait jamais intimidée et elle était toujours capable de gérer le moment. Et ça, c'est quelque chose qui l'a servi vraiment tout au long de la saison, même plus tard lorsqu'on l'a vu faire face à Serena Williams. Ah ouais. Elle savait qu'elle avait sa place avec les meilleurs et donc la confiance en elle était au rendez-vous et on sait que ça fait une drôle différence au tennis. Et aussi, Valérie, tu me corrigeras, je me trompe, il faut donner un gros vraiment rendre à César Sylvain Bruno les images à Indian Wells qui ont fait le tour du monde qui a calmé Bianca là. Ben, c'est peut-être le discours en fait qui a fait la différence dans la finale contre Angélique Kerber. On la sentait très énervée sur le terrain. Elle avait perdu un peu sa concentration ou en tout cas elle se concentrait pas sur les bonnes choses. Et Sylvain, il a ce calme et c'est ce qu'il dégage aussi. Et lorsqu'il est arrivé sur le terrain, ben il a su trouver les bons mots justement pour ramener son athlète dans le match et lui permettre de remporter ce match-là. Mais je pense qu'on a vu à quel point c'était une collaboration qui fonctionnait bien entre Sylvain Bruno et Bianca Andreescu. Et c'est ça qui est le fun, hein? Non seulement de voir une athlète de chez nous qui fait aussi bien sur la scène internationale, mais une athlète de chez nous qui est coachée par un entraîneur de chez nous aussi. Je pense que dans le passé, on avait l'impression en fait que les gens de chez nous n'étaient pas capables d'évoluer à ce niveau-là. Mais là, c'est pas seulement sur le terrain, mais c'est dans toutes les phases du tennis où on commence à connaître du succès. Et par la suite, elle a été blessée, elle a eu vraiment des petits problèmes. Mais c'est un calendrier difficile pour elle, là, parce que le calendrier chargé, parce qu'elle avait un historique de blessures aussi. Ben, avant de parler du US Open là, qu'elle a remporté puis de la Coupe Rogers, elle avait un historique de blessures puis elle était absente à Wimbledon et à Roland-Garros. Ouais, ben tu fais bien de le mentionner, son historique de blessure, parce que c'est vrai que ça fait partie de son bagage et ce sera certainement un élément à surveiller, non seulement pour 2020, mais aussi tout au long de sa carrière. Je pense qu'en début de saison, en fait, bon, c'est inattendu, hein, évidemment, qu'elle connaisse tous ses succès, mais ça a fait en sorte qu'elle a joué énormément de matchs, parce que la plupart du temps, elle a dû même passer par les qualifications, donc ça, ce sont des matchs qui s'ajoutent, et peut-être qu'elle en a joué un peu trop au final, et bon, la suite, on la connaît, elle s'est blessée à l'épaule, elle a dû rater plusieurs mois de compétition, elle a tenté un retour à Roland-Garros, mais en tentant ce retour précipité, bon, elle a aggravé un peu les choses, et par la suite, a dû effectivement rater également Wimbledon. Alors, c'est assez phénoménal que malgré cette longue pause dans sa saison, elle a pu terminer cinquième mondiale. Ça démontre à quel point elle a ses chances l'an prochain de viser même la première place mondiale, pourquoi pas. Mais c'est clair que son équipe voudra se poser des questions et s'assurer que le calendrier lui permette de se reposer entre les gros tournois pour qu'elle puisse justement jouer des saisons entières. OK. Si on parlait maintenant de la Coupe Rogers, qu'elle a remporté une finale quand même, que ça a été, fut très court. Je pense que ça a duré 20 minutes, je pense. C'est parce que Serena Williams s'est blessée. Ouais, c'est dommage, hein, parce que ça a terminé en queue de poisson et jusque-là, ben, ça avait été une semaine de rêve. C'était son retour au jeu. On a tendance à l'oublier. Donc, on se disait, bon, c'est son premier tournoi depuis Roland-Garros et même à Roland-Garros, ça n'avait pas été nécessairement un tournoi complet. Alors, les attentes étaient moins élevées et du côté des amateurs et du côté de Bianca elle-même. Mais plus le tournoi avançait, mieux elle jouait. Encore une fois, elle passait de grandes pointures du circuit féminin. Et là, ben, on se disait, ça y est, la table est mise. C'est vraiment la finale de rêve. Elle est chez elle, à Toronto. Ouais. Elle affronte Serena Williams. Et bon, malheureusement, Serena Williams, qui était déjà blessée avant la rencontre, a décidé de tenter de voir si elle était capable de disputer cette finale. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Ça nous a quand même donné droit à toute une scène lorsque, à la fin du match, bon, Bianca, du haut de ses 19 ans, est allée voir Serena Williams et l'a même presque consolée, l'a serrée dans ses bras. Je pense que ça a montré un très bel esprit sportif. Et quelques semaines plus tard, c'était à New York, à Flushing Meadows. C'est à ce moment-là que j'ai été impressionné par Bianca. Elle a appris à gagner. Je dirais qu'elle a appris à gagner parce que, Serena qui tentait un retour et tu sais, il y aurait eu bien des athlètes qui se seraient probablement effondrés. Tu sais, rappelle-toi de cette finale à New York, là. Oui, lorsqu'elle menait 5-1 au deuxième set. Et là, enfin, Serena Williams qui réussit à ouvrir la machine. Et on entendait la foule qui était derrière Serena. C'était assez intimidant hein, comme atmosphère, évidemment, pour Bianca, qui devait se sentir pas mal toute seule sur le terrain. Et on le sait, le Arthur Ashe, ben, c'est le plus gros terrain de tennis au monde. Alors, lorsque les New-Yorkais décident de se mettre de la partie, ben je peux vous dire que c'est très, très bruyant dans ce stade-là. Et justement, ça peut être intimidant. Mais elle est restée forte, elle est restée concentrée. Ouais. Ça aurait été facile, en fait, de se sentir presque paniquée dans cette situation-là, et si elle avait perdu cette deuxième manche-là, ben là, personne donnait cher de sa peau au troisième set. Mais ça revient, je pense, à ses capacités sur le plan mental. On en a parlé tout au long de l'année, et là où ça l'a le plus servi probablement, ben c'est justement pour aller chercher ce premier titre du Grand Chelem. Moment historique, évidemment, ouais. pour le tennis canadien, un moment dont on se souviendra longtemps. Et c'est le fun de dire que ben, ce premier titre, il a été gagné justement par Bianca Andreescu, qui a 19 ans seulement, réussi à battre Serena Williams, l'une des plus grandes, sinon la plus grande joueuse de tous les temps. Et elle le fait en plus chez elle à New York. Ah oui, effectivement. Là, on va lire rapidement parce qu'elle est allée au championnat et au championnat de WTA, elle a eu une blessure et c'est par la suite que sa saison est terminée. Dans le deuxième bloc, on va te demander à quoi tu prévois. On va y aller avec Félix Auger-Aliassime. Eugénie Bouchard, encore une fois, une saison très décevante pour Eugénie. Écoute, moi, j'y en veux. Tout ce que j'espère, c'est qu'Eugénie, c'est pas nécessairement 2014 qu'on viserait, là. C'est une année de rêve, mais qu'elle est capable de remonter des 50 premières. J'aimerais tellement ça qu'elle soit, tu sais, de gagner des petits tournois de temps en temps, le Grand Chelem, faire la deuxième semaine. Est-ce que c'est encore possible ou je pense que ça va être très difficile? J'ai l'impression que, bon, les années se suivent. Et on répète un peu les mêmes choses dans le cas d'Eugénie. On veut continuer à y croire parce que je veux pas, pour avoir fait ce qu'elle a fait en 2014, c'est dire qu'elle a le niveau quand même effectivement pour au moins faire sa place dans le top 50 mondial, mais c'est clair que pour ça prend une certaine constance, et ça, elle a jamais été capable de la retrouver. Là, ça a été probablement la pire de ses saisons. Il y a eu un moment où elle était sur une séquence de 13 défaites consécutives. Elle a chuté au-delà de la 200e place mondiale. Écoutez, sa fiche totale là, cette année, 8 victoires seulement contre 18 revers. Et il y a comme lorsqu'on en arrive dans cette espèce de cercle vicieux où on commence à enchaîner les défaites, on dirait qu'on voit pas le bout. Hein. Et dès qu'on commence à perdre dans un match, à tirer de l'arrière, soudainement, on n'y croit plus et c'est très, très difficile de s'en sortir. Je pense qu'elle avait besoin premièrement d'une coupure, là, c'est ce qu'elle a avec la saison morte, avant de pouvoir se dire, OK, là, je prends un nouveau départ en 2020 et qui sait, peut-être que ce sera l'année de la dernière chance, parce que je pense pas qu'elle est intéressée à jouer bien des années si son classement lui permet pas de jouer les plus gros tournois. OK. Maintenant, si on y allait avec Félix Auger-Aliassime, c'était vraiment une progression. Est-ce que tu penses que c'est une progression plus haute que prévu? Je pense que oui, assurément. Probablement que, bon, Félix en rêvait, mais je pense pas que dans ses objectifs, disons, d'une manière réaliste, il pouvait croire en ses chances de même percer le top 20 dès cette année. Je me rappelle lorsqu'on l'a rencontré à la fin de l'année dernière, il était un peu déçu de pas avoir réussi à se hisser parmi le top 100 et donc ça devenait son premier objectif de la saison 2019, mais disons qu'il a éclipsé cet objectif-là assez rapidement. Et on a tendance à maintenant l'oublier un tout petit peu en raison peut-être de la fin d'année de Denis Shapovalov, mais ça a été toute une saison pour Félix Auger-Aliassime. C'est déjà longtemps qu'on en parle, on parle de son potentiel immense, à quel point il est un espoir, qu'on le voit comme le prochain Roger Federer, mais en tout cas, il a livré la marchandise en 2019. Il est encore tout jeune, il continue de se développer, c'est ça qui est très positif. Je pense que la seule petite déception pour Félix en 2019, c'est de ne pas avoir réussi à aller chercher son premier titre de l'ATP. Il était si près, 3 finales quand même. Alors ce sera assurément l'un de ses objectifs pour l'année prochaine. Denis Shapovalov, lui, a bien fini l'année, lui. Oui, ben quelle fin de saison pour Denis Shapovalov, parce que en première moitié de saison, c'était plutôt décevant. Et on se posait des questions, lui se posait des questions aussi. Et c'est vraiment au tournoi de Montréal à la Coupe Rogers qui a semblé y avoir un déclic. Le fait de revenir, je pense, à la place où il avait connu son éclosion en 2017 devant un public qui l'apprécie beaucoup et qui l'apprécie beaucoup aussi. Et bon, il a joué du bon tennis sans nécessairement aller très loin dans le tournoi. Et par la suite, les performances sont arrivées. Il a joué de mieux en mieux au US Open. Bon, il s'est incliné au troisième tour, mais il avait livré tout un match à Gaël, mon fils. Et on a vu ce que ça a donné, tout ça. Il a amené ça avec lui dans cette fin de saison. Il va chercher enfin son premier titre au tournoi de Stockholm. Là, c'était un immense soulagement pour Denis Shapovalov. Et quelle performance quand même au dernier Masters, soit le Masters de Paris, alors qu'il a battu des gars comme Fabio Fognini, Alexander Zverev, Gaël Monfils, justement, contre qui il a pu prendre sa revanche avant de finalement perdre contre Novak Djokovic. Alors, 15e mondial présentement, ça c'est un sommet personnel. Et là, il se rapproche un tout peu plus du top 10. Et s'il peut reprendre exactement là où il a laissé en 2020, ce sera un joueur à surveiller dès l'Australian Open. OK, on va y aller avec Milos Raonic qui a été blessé tout au long de la saison. Moi, je l'appelle le Rick Green du tennis, malheureusement. Est-ce que Milos, est-ce qu'il va revenir pas mal ou... C'est vraiment une histoire qui se répète dans le cas de Milos Raonic. C'est pour ça que lorsqu'on parle des blessures de Bianca Andreescu, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que elle ait une carrière un peu à l'image de celle de Milos Raonic, qui jamais vraiment a été capable de jouer des saisons complètes. Pourtant, en 2019, ça avait quand même sensiblement bien commencé. Il avait fait les quarts de finale à l'Australian Open, il avait fait les demi-finales à Indian Wells, et il y a eu plusieurs absences, mais c'est surtout là à partir de la Coupe Rogers que ça s'est compliqué. Il avait dû abandonner dans ce match contre Félix Auger-Aliassime en raison d'une blessure au dos et jamais vraiment il a pu revenir. Là, il a tenté, oui, des retours vers la fin de la saison, mais ça n'a pas fonctionné et ça a amené même vers un retrait de l'équipe canadienne lors de la Coupe Davis. Alors bon, il est toujours 31e quand même. Il détient toujours ce fameux service qui peut lui permettre de remporter des matchs, de causer des surprises. Et maintenant, c'est rendu lui qui est dans l'ombre, en fait, de Denis Shapovalov et de Félix Auger-Aliassime. On parle que très peu maintenant de Milos Raonic. Mais je pense qu'il est quand même capable de causer des surprises. Sauf que j'ai l'impression, moi, que ses meilleures années sont malheureusement derrière. Dernier point, Coupe Davis. Après ça, on va aller à la pause. Coupe Davis, c'était une grande surprise de voir le Canada vraiment en finale contre l'Espagne. Écoute, l'Espagne jouait chez eux, c'était un territoire hostile, mais déjà d'être en grande finale, c'est quelque chose. Ça a été un parcours de rêve. Ouais. Et quelle manière aussi quand même, dans une saison qui avait déjà été formidable pour le tennis canadien, de la terminer ainsi avec le Canada qui se rend jusqu'à la finale. Et bon, c'était la première année évidemment du nouveau format de la Coupe Davis. Je pense que ça nous a donné droit à des rencontres qui étaient spectaculaires, qui étaient enlevantes, où on était stressés jusqu'à la fin des matchs. Et celui qui était inattendu, c'est Vacek Pospisil qui a dû venir en renfort puisque Félix se remettant encore d'une blessure. Et il a livré de gros matchs. On savait qu'il aimait être en équipe dans ce contexte de la Coupe Davis. Mais moi, il m'a vraiment impressionné autant en simple qu'en double. Et justement, de voir le Canada avec Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov à 19 et 20 ans qui faisaient face en finale aux joueurs expérimentés de l'Espagne en Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut. C'était assez spécial et je pense que ça nous fait juste rêver à la suite parce que, et c'est Nadal qui le disait, le Canada sera assurément l'une des équipes favorites pour les 10 prochaines années. Ah, effectivement. Valérie, on va aller à la pause et on va parler de ce que tu prévois en 2020. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective du tennis avec Valérie Tétrault sur les ondes de danradiosport.com. En cette période du temps des fêtes, le moment est venu de se rappeler des gens qui font notre succès. Les entreprises Rodrigue Piquette aimeraient remercier sa distinguée clientèle qui les a encouragés pendant la dernière année. Paix, bonheur et surtout santé, c'est ce que vous souhaitent le personnel et la direction des entreprises Rodrigue Piquette du 410 8e avenue d'Olbeau-Mistassini, 418-276-2275. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave-Dessureau, au numéro de téléphone... Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini, 418-276-0580. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. On va parler avec donc avec Valérie Tétrault, c'est la deuxième partie. Valérie, c'était une année exceptionnelle comme tu as vu. On devait parler de la WTA, de l'ATP, mais là, écoute, on a parlé du tennis Canada, du Canadien. Qu'est-ce que tu vois en 2020 dans ta boule de cristal? Certainement que là... Ça va être plus difficile pour Bianca là, de protéger ses points. On dit tout le temps que la deuxième année, c'est toujours plus difficile. Ouais. Après ça, Félix va être attendu, Chapovalov va également. Je pense que ça va être... faut pas s'attendre à une année aussi vaste que l'année 2019. Et je pense que c'est un message qui est important à passer. Hein, parce que c'est clair que ça a été une année exceptionnelle et il faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit encore meilleur en 2020. Si on est capable d'en faire autant, en fait, qu'en 2019, ce sera déjà incroyable. Faut comprendre que les joueurs dont on parle le plus, là, que ce soit Andreescu, Chapovalov, Ogier Aliassime, ben, ils sont encore très jeunes, ils sont encore en développement. Et Daniel, tu veux bien le mentionner, parce que c'est dans tous les sports, hein, le fameux syndrome de la deuxième année, et c'est pas pour rien. Là, c'est sûr que lorsque Bianca Félix arrivait, bon, il y avait un peu moins de pression parce que ils étaient tous les deux en ascension fulgurante. Maintenant, ben oui, ils seront plus attendus premièrement par les adversaires, mais les attentes seront très élevées aussi. Et ça viendra de partout, que ce soit des médias, que ce soit de leur entourage, que ce soit même la pression qui risque de se mettre eux-mêmes sur les épaules. Et ben ils auront aussi un peu plus de points à défendre. Et ça, ben c'est à prendre en compte. Alors, je pense que déjà, s'ils sont capables de se maintenir là où ils sont, ce sera déjà mission accomplie. Mais bon, je sais que ce sont aussi des joueurs qui sont très, très ambitieux et ça explique pourquoi ils se retrouvent là où ils sont présentement. Et donc, leurs objectifs seront élevés et on ne sait jamais, ils sont capables aussi de continuer leur progression. OK. Il y a une joueuse que je veux te parler qu'on n'a pas parlé du tout, c'est Léa Annie Fernandez. Elle, je la vois gros dans ma soupe. C'est pas le même style de joueuse que Bianca, par contre, elle pourrait causer la surprise. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait top 100? Est-ce que c'est envisageable, même top 75 d'ici la fin de l'année? Là, ce sera une année de transition pour la Annie Fernandez, même si, bon, elle a déjà entamé sa transition chez les professionnels. En 2019, elle a encore évidemment participé à quelques tournois juniors. Je pense que si elle visait à être dans le top 150 mondial, se rapprocher du top 100, elle est un peu au-dessus de la 250e place au classement de la WTA. Donc, ce serait déjà une progression qui serait assez considérable et très intéressante. Elle a le jeu de toute façon pour le faire. Elle sera à voir justement combien de tournois elle pourra disputer et comment se reconstruit son calendrier de tournois. Mais moi, j'aime beaucoup sa combativité sur le terrain. Elle est toute petite, hein. Elle a l'air de rien lorsqu'on la voit. Mais elle veut beaucoup et donc je pense qu'elle continuera à progresser en 2020. Ben Valérie, merci beaucoup pour ta collaboration. Je te l'ai dit en dehors des ondes, je te l'ai redis en ondes. Merci beaucoup. C'est très, très, très, très apprécié. Tu sais, je veux dire, un gars du lac Saint-Jean qui appelle à Montréal, je me mets dans la peau des gens des fois, c'est pas toujours évident. Puis tu m'as regardé comme un autre média. Merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler en 2020. Ben, un gros merci à toi, Benji, pour la couverture du tennis canadien, du tennis en général. Et puis oui, certainement, au plaisir de se reparler en 2020. Valérie Tétrault, qui nous faisait le bilan sur le tennis.